Bon dimanche à toutes et à tous, bienvenue à ce journal. La mise en onde est assurée par Rikouimana. Bienvenue à cette édition dont voici d'abord le sommaire. Le prix du ticket de transport a été encore une fois revu à la hausse dans la province de Bururi. Le matin de ce dimanche, du marché de Bururi à Matana Warumonge, les conducteurs de véhicules assurant le transport en commun exigeaient une somme variante entre 12 000 francs bouts et 15 000 francs burundais, alors que le prix connu était de 6 000 francs. Le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, dit qu'il souhaite des élections libres, paisibles et transparentes et appelle les candidats aux élections de rester sereins et éviter tout ce qui pourrait perturber ces échéances électorales. Il a dit ce samedi à Gitega lors de la célébration du patriotisme. Les habitants de la localité de Tenga, l'avenue Tengamaoua, déplorent l'état des lieux de certains poteaux électriques qui risquent de tomber et causer des accidents mortels, cela faisant suite aux travaux des agents de l'ARB, et cette population lance un cri d'alarme à l'endroit de la régie des eaux. Bienvenue à cette édition. Captez Isanganilo, écoutez la différence. On ouvre ce journal par la page politique et le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, dit qu'il souhaite des élections paisibles et transparentes et appelle les candidats aux élections de rester sereins, éviter tout ce qui pourrait perturber ces échéances électorales. Propos tenus ce samedi à Gitega dans une séance de moralisation sur la vision 2040-2060. À l'intention des cadres du pays nommés par décret dans la suite des cérémonies de commémoration du 4e anniversaire de la mort de l'ancien chef de l'État Pierre Nkurunziza. Les détails avec Djirani Vikiza. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a d'abord rappelé que les élections approchent et que quand une telle période approche, pas mal de gens, surtout ceux qui occupent des postes de responsabilité, perdent les pédales en pensant qu'ils seront reconduits ou pas, et d'autres pensent qu'ils perdront les élections ou qu'ils les gagneront. Mais le chef de l'État précise qu'il souhaite des élections paisibles et transparentes. C'est pour cela qu'il propose qu'avant la tenue de ces élections, les compétiteurs ou candidats se rassemblent sur un stade, se saluent, s'embrassent, défilent et la population les regarde, à l'instar des joueurs de Jeux olympiques ou des compétitions internationales de football. Pour le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, la CENI profiterait de cette occasion pour prodiguer des conseils aux compétiteurs et leur rappeler les règles de jeu. Il demande à la CENI de voir si oui ou non cette proposition est applicable. Le chef de l'État regrette le fait qu'il y a deux partis politiques qui commencent à discuter déjà, les uns disant que ce sont eux qui ont amené la paix et d'autres disant que c'est plutôt eux qui l'ont amené, au lieu que tous disent qu'ils ont la paix et qu'il faut chercher alors le développement. Il rappelle que la paix comme le développement sont cherchés par tous les Burundais mis ensemble. Il invite alors tous les politiciens et candidats et compétiteurs aux élections prochaines d'être tranquilles du moment que c'est lui qui en sortira vainqueur, dirigera pour tous. Propos tenus à Gitega ce samedi 8 juin 2024 lorsque le chef de l'État animait une séance de moralisation sur le thème vision d'un Burundi émergent en 2040 et développé en 2060 dans la suite des cérémonies de commémoration du 4e anniversaire de la mort de l'ancien président de la République du Burundi, Pierre Nkurunziza. Depuis Gitega, Jean Nibigira pour la radio Isanganiro. Merci à Gérard Nibigira de Gitega. Rendons-nous au sud du pays, précisément à Bururi, où le prix du ticket de transport a été encore une fois revu à la hausse dans cette province. Le matin de ce dimanche, du marché de Bururi à Matana Warumonge, les conducteurs de véhicules assurant le transport en commun exigeaient une somme une somme variante entre 12 et 15 000 francs burundais, alors que le prix officiel était de 6 000 francs burundais. Et pour cause, c'est la pénurie du carburant, selon les explications de ces conducteurs des véhicules et des détails avec Zenzamiman. Dobruli Amatana Domemeke Dobruli Armonge, le conducteur des véhicules de type Probox assurant le transport en commun, exige le matin de ce dimanche une somme variante entre 12 000 et 15 000 francs burundais de tickets de transport, alors que le prix connu ne devrait pas dépasser 6 000 francs burundais pour tous ces trajets. Chez les motards, le prix de tickets de transport a été également revu à la hausse, passant même du simple au double. Certains des passagers, dont ceux qui ont même suspendu le matin de ce dimanche leur voyage, suite à l'incapacité de payer ce ticket de transport qui a été revu à la hausse, disent que c'est la première fois que le ticket de transport monte jusqu'à ce niveau. Les conducteurs de ces véhicules expliquent que la pénurie du carburant qui s'observe est à l'origine de cette hausse du prix du ticket de transport, car le dernier carburant a été servi le 22 mai de cette année à la station service de Bururi. Certains de ces chauffeurs nous ont indiqué que leurs véhicules sont aujourd'hui garés chez eux suite à cette pénurie du carburant. D'autres, toujours en activité, disent qu'ils préfèrent s'approvisionner en carburant au marché noir, en prix variant entre 15 000 et 20 000 francs burundais en litre d'essence. De même que leurs clients, tous demandent que cette pénurie répétitive du carburant soit résolue. Depuis Bururi, Zenon Zamimara pour la radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Page justice à présent, 2 ans d'emprisonnement de 2 ans et une amende de 250 000 de nos francs. Telle est la peine infligée par le tribunal de grande instance de Kayanza ce vendredi à une femme de 57 ans de la colline Moussave, commune et province Kayanza, accusée de la commercialisation des stupéfiants. Après qu'elle avait été attrapée en flagrant délit avec 2 kg de cannabis au début du mois en cours, c'était dans un procès de flagrance. Le même jour, un homme de 48 ans a été lui aussi accusé par le tribunal de grande instance de Kayanza de l'atteinte à l'économie du pays pour avoir été attrapé en possession illicite de près de 500 kilos de café parché en ville de Kayanza qu'il transportait à bord d'un véhicule de type Probox. Il a écopé une année d'emprisonnement et infligé d'une amende d'1 million de nos francs. Ce café et ce véhicule ayant été remis à l'Office pour le développement du café ODK en sigle. Sandra Muhoza, journaliste de La Nova Burundi, a comparu ce mercredi 5 juin 2024 en chambre de conseil au tribunal de grande instance de Mukasa. L'objet de la séance était d'analyser pour la deuxième fois son maintien ou pas en détention préventive. Le verdict doit sortir normalement dans 48 heures à partir à la date de la séance. Notre consoeur est détenu à la prison centrale de Mimba depuis jeudi 18 avril 2024. Elle est poursuivie pour 2 infractions, l'atteinte à l'intégrité du territoire national et l'aversion raciale. Elle a été arrêtée en date du 13 avril cette année. Elle venait de répondre à un appel d'une personnalité qui promettait de lui fournir des informations en province d'Ngouzi. Sa défense trouve que Sandra devrait être libérée immédiatement. Et le journaliste Kenny Claude Nduimana est détenu à la prison centrale de Mimba depuis octobre l'année passée. Il est accusé d'outrage envers les dépositaires de l'autorité publique et atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Il a comparu au mois de mai devant le tribunal de grande instance de Mukasa. Et après audition, le tribunal a remis l'audience au 16 juillet 2024. Pour cause, son co-accusé dans cette affaire avait été libéré provisoirement et ne s'est donc pas présenté à l'audience. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. L'actualité continue sur Sanganiro, les barrières socio-culturelles, le manque de la confiance de soi chez certaines femmes et hommes ayant développé la masculinité négative sont certains défis qui handicapent le développement durable de la femme burundaise. Certaines femmes entrepreneurs des provinces Kayanza, Ngozi, Muyinga, l'ont soulevé au cours d'un atelier de sensibilisation, les réunissant avec les journalistes de ces provinces. Un atelier organisé par l'organisation Search for Common Ground. Emmanuel Ndachaisaba, chargé du projet Nawenuze Miterambere au sein de cette organisation, demande à ces femmes entrepreneurs de porter à la connaissance du public leurs activités pour que leurs témoignages servent de modèle. De détails avec Patrick Sengiouf. Dans cet atelier de 2 jours organisé mercredi et jeudi la semaine en cours par Search for Common Ground à l'endroit des journalistes des provinces Kayanza, Ngozi et Muyinga et des femmes entrepreneurs de ces provinces, l'objectif était, selon Emmanuel Ndachaisaba, chargé de la réalisation du projet Nawenuze Miterambere, de rencontrer ces deux parties afin qu'ils puissent y avoir les jours à venir l'intercomplémentarité entre les médias et les acteurs économiques et dans la promotion du développement de la femme. D'après lui, les journalistes jouent un rôle crucial dans le développement de la femme. Toutefois, les journalistes qui étaient conviés à l'activité n'ont pas mâché les mots en disant que beaucoup de femmes ne donnaient pas leur opinion ou du moins n'aimaient pas parler, surtout les femmes entrepreneurs, pour que leurs témoignages aidaient d'autres femmes à dépasser les barrières culturelles et se développer. Des femmes entrepreneurs de leur côté ont indiqué qu'il existe dans la communauté des hommes qui freinaient le développement de la femme. À ce sujet, Emmanuel Ndachaisaba a promis que les jours à venir, Search for Common Ground compte organiser des séances de sensibilisation pour des hommes qui ont développé la masculinité négative et dont les femmes présentent l'engouement de se développer. Depuis Ngozi, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Merci à Patrick Nsengiyumva. Les habitants de la localité de Tenga, nous sommes en zone Rubiridi de la commune Mutimbuzi en province de Bujumbura, vivant près de la route Tenga-Maoua, déplorent l'état des lieux des poteaux électriques qui risquent de leur causer des accidents mortels. Suite aux travaux d'agrandissement de cette route, les agents de l'agence routière du Burundi, ARB, ayant laissé ses poteaux inclinés pouvant tomber par terre d'un moment à l'autre, ses habitants de Tenga demandent à la Régie des eaux de venir réhabiliter cette ligne électrique pour éviter le pire, suivaient certains de ses habitants de Tenga. L'état des lieux de ces poteaux résulte des travaux de traçage du caniveau au bord de cette route. Ceux qui l'ont tracé n'ont pas passé au déplacement de ces poteaux et les ont laissés inclinés. La topographie pour ce caniveau est tombée jusqu'au milieu de ces poteaux. Rien n'a été fait pour que ces derniers soient bien installés. Nous avons peur car ces poteaux tombent par terre. La route sera impraticable et même la population pourra en être victime. Si ces poteaux tombent sur les maisons de la population, les couvertures pourront être court-circuitées et ça pourrait même causer des morts. Ces poteaux nous font peur car ça peut causer des accidents mortels. Vous voyez vous-même qu'ils peuvent tomber d'un moment à l'autre. Vous voyez même là en bas que ces poteaux risquent de tomber sur les maisons de la population si rien n'est fait. C'est pourquoi nous lançons un cri d'alarme. Nous demandons à la Régie des eaux de venir réparer ces poteaux. Isanganiro. Actualité internationale. En actualité internationale, Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, est mort ce samedi à l'âge de 53 ans. Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, RSF, est mort des suites d'un cancer fulgurant. Samedi 8 juin, à l'âge de 53 ans, à Paris, en France, en juillet 2023, le journaliste Christophe Deloire s'était vu confier par le président de la République française, Emmanuel Macron, la direction d'un comité de pilotage des États généraux de l'information. Ceux-ci doivent aboutir à la fin du mois de juin. Le chef de l'État avait fait de ses états généraux de l'information une promesse de campagne en mars 2022. À travers cette initiative, le président sortant voulait lutter contre toutes les tentatives d'ingérence et donner aux journalistes le meilleur cadre pour remplir leur mission essentielle. Christophe Deloire avait le journalisme au cœur pour la liberté d'informer et le débat démocratique. Cet esprit libre se battait sans frontières, sans repos, a réagi sur X. Emmanuel Macron, le président français. Voilà, c'est la fin de ce journal. Mais avant de quitter ce studio, voici le rappel des titres. Le prix du ticket de transport a été encore une fois revu à la hausse dans la province de Bururi. Le matin de ce dimanche du marché de Bururi à Matana ou à Rumonge, les conducteurs des véhicules assuraient le transport en commun exigé. Une somme variante entre 12 000 francs et 15 000 francs burundais, alors que le prix officiel connu était de 6 000 francs. Le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, dit qu'il souhaite des élections paisibles et transparentes et appelle les candidats aux élections de rester sereins et éviter tout ce qui pourrait perturber ses échéances électorales. Il a dit hier à Gitega lors des cérémonies de commémoration du 4e anniversaire de la mort de l'ancien chef de l'État, Pierre Nkurunziza. Et les habitants de la localité de Tenga, à l'avenue Tengamaoua, déplorent l'état des lieux de certains poteaux électriques qui risquent de tomber et causer des accidents mortels. Cela faisant suite aux travaux des agents de l'ARB. Et cette population lance un cri d'alarme à l'endroit de la régie des eaux. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour sa parfaite collaboration technique à la présentation de ce journal. Vous étiez avec Evariste Ndikobananga. Bonne suite des programmes sur Sanganiso.